Marianne, en attendant. Voilà qui est nouveau. Pour qui me prend-on? Quel mal y a-t-il donc? Comment s'ils ont fait aujourd'hui? Voilà une robe affreuse. Qu'est-ce que cela signifie? Vous me réduirez à la violence. Quelle violence? Je voudrais que ma mère fût là. Ah, bah, elle est de son avis, dès qu'il dit un mot. J'ai une envie de battre quelqu'un. Elle renverse les chaises. Je suis bien sotte, en vérité. Voilà Octave qui vient. Je voudrais qu'il le rencontrât. Ah, c'est donc là le commencement. On me l'avait prédit. Je le savais. Je m'y attendais. Patience, patience. Il me ménage un châtiment. Et lequel, par hasard? Je voudrais bien savoir ce qu'il veut dire. Octave entre. Asseyez-vous, Octave. J'ai à vous parler. Voulez-vous que je m'assoie? Toutes les chaises sont les quatre fers en l'air. Que vient-il donc se passer ici? Rien du tout. En vérité, cousine, vos yeux disent le contraire. J'y réfléchis à ce que vous m'avez dit sur le compte de votre ami Célio. Dites-moi, pourquoi ne s'explique-t-il pas lui-même? Par une raison assez simple. Il vous a écrit et vous avez déchiré ses lettres. Il vous a envoyé quelqu'un et vous lui avez fermé la bouche. Il vous a donné des concerts, vous l'avez laissé dans la rue. Ma foi, il s'est donné au diable et on s'y donnerait à moins. Cela veut dire qu'il a songé à vous? Oui. Eh bien, parlez-moi de lui. Sérieusement? Oui, sérieusement. Me voilà, j'écoute. Vous voulez rire? Quel pitoyable avocat êtes-vous donc? Parlez, que je veuille rire ou non. Que regardez-vous à droite et à gauche? En vérité, vous êtes en colère. Je veux prendre un amant, Octave. Sinon un amant, du moins un cavalier. Qui me conseillez-vous? Je m'en rapporte à votre choix. C'est Lio ou tout autre, peu m'importe. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entrouverte. Eh bien, vous ne parlez pas? Je vous dis que je prends un amant. Tenez, voilà mon écharpe, en gage. Qui vous voudrez, la rapportera. Marianne, quelle que soit la raison qui a pu vous inspirer une minute de complaisance, puisque vous m'avez appelé, puisque vous consentez à m'entendre, au nom du ciel, restez la même une minute encore, permettez-moi de vous parler. Il se jette à ses genoux. Que voulez-vous me dire? Si jamais mon monde a été digne de vous comprendre, digne de vivre et de mourir pour vous, cet homme et Célio, je n'ai jamais valu grand-chose, et je me rends certes justice que la passion dont je fais l'éloge trouve un misérable interprète. Ah, si vous saviez sur quel autel sacré vous êtes adoré comme un dieu. Vous, si belle, si jeune, si pure encore, livrée à un vieillard qui n'a plus de sens et qui n'a jamais eu de cœur. Si vous saviez quel trésor de bonheur, quelle mine féconde repose en vous, en lui, dans cette fraîche aurore de jeunesse, dans cette rosée céleste de la vie, dans ce premier accord de deux âmes jumelles. Je ne vous parle pas de sa souffrance, de cette douce et triste mélancolie qui ne s'est jamais lassé de vos rigueurs, et qui en mourrait sans se plaindre. Oui, Marianne, il en mourra. Que puis-je vous dire? Qu'inventerai-je pour donner à mes paroles la force qui leur manque? Je ne sais pas le langage de l'amour.